J'avoue, Apple. Ou encore Daryl Strawberry, là, le joueur de baseball. Ouais. Là. Ouais. C'est à peu près ça, hein, comme Strawberry. Ouais, ça, tu connais un joueur de baseball. Il y a un épisode des Simpsons là-dessus, non? C'est vrai. C'est ça. Les chenilles. D'accord, les chenilles de la famille Totrisadée. Totrisadée. Ah ben oui. Totrisadée, c'est ça. Ben oui. Peuvent marcher à l'envers, vers l'arrière, plus rapidement que vers l'avant. Okay. Les chenilles de la famille des Totrisidés. Spécial quand même. Quand même, quand même, quand même. Aucune chenille ne fait des bruits autres que le mâchouillage. Mâchouiller, mâcher quelque chose. C'est le seul bruit que les chenilles font. Aucun et autre. Et on se rappelle, hein, hier, ils font pas l'amour, font donc pas, l'amour. Pas de bruit d'amour. Pas non. De bruit de sexe, hein? Non. J'essaie d'imaginer le bruit. La compagnie Halls. Ben, en fait, je sais pas si c'est une compagnie, mais en tout cas, oui. Halls, la compagnie. Les passés Halls, là. Ceux qui font les passés. À l'origine, faisaient de la confiture et du savon. Halls, confiture, c'est comme confiture strawberry, Daryl Strawberry. Ouais. J'imagine que c'est ça. C'est un bon lien. Toujours un bon lien. Savais-tu que les muscles de tes yeux bougent 100 000 fois par jour? Juste là pour faire ton look de surprise, là. T'en as sûrement utilisé une 20 000. Non, je sais pas. Là, j'invente des affaires. Mais 100 000 fois par jour, les muscles de tes yeux. Si tes jambes bougeaient autant que tes yeux, tu marcherais 50 000. 50 000. 50 000? 1000, comme la mesure, là. OK. 1000. Hein? C'est beaucoup de mouvements, quand ouais, même. C'est... Les muscles des yeux ont une protéine spéciale qui les empêche de se fatiguer en bougeant aussi vite que ça. En fait, si tu regardes les yeux de quelqu'un, tu vas remarquer qu'ils sont tout le temps en train de bouger. Ils ne restent jamais vraiment immobiles, à part pour le gars de Dominique Martin. Ils bougent pas mal tout le temps. C'est aussi drôle qu'une blague dans l'émission de Dominique Martin, ça. Ouais. Ou un spectacle. Ou un spectacle. Ou une référence plus courante. Que... C'est pas les... C'est pas les grandes gueules, mettons. Ben là... Dans le sens de qu'ils sont pas si mauvais que ça. OK, moi. Ouais. Sur une échelle de 1 à grande gueule, ouais, ouais. T'es en très mauvais. T'as Dominique et Martin, c'est un... C'est un... Gros. Ouais. Si tu t'endors en dedans de 5 minutes après t'être couché, est-ce que ça t'arrive, François? En dedans de 5 minutes après... Sérieux, moi, j'ai pas de misère à m'endormir. Pour vrai? Ouais, ouais. Ben, ça se pourrait que tu souffres de manque de sommeil. Ah ben... Écoute, je suis déjà au courant. Je t'apprends rien, hein? Ouais. Dis-moi quelque chose que je sais pas. Hein? Ouais. C'est ça. Donc, on dit, c'est ça, si tu t'endors en dedans de 5 minutes, c'est que tu as un manque de sommeil flagrant. C'est aussi vrai si tu t'endors un peu pendant la journée, si tu te sens un petit peu... comment t'appelles ça? Là? Si tu te sens... Pas fatigué, mais drowsy, tu sais, genre... Épuisé. Genre pas très, très là d'esprit. Là. Bon, bref. Même si ce que tu fais en ce moment est emmerdant, est ennuyant, est pas le fun, tu devrais pas te sentir fatigué, même si quelque chose est ennuyant, d'accord? C'est ce qu'on dit. Souvent, les gens qui manquent de sommeil ont des petits épisodes de sommeil pendant la journée, ce qu'on appelle des micro-sommeils, micro-sleeps. Fréquemment, ils sont même pas au courant que ces épisodes-là ont lieu. Hein? Nous, dans la société de l'Ouest, la société, c'est quoi? C'est occidentale? Ouais. À gauche et orientale en Asie, c'est ouais, bien c'est ça? C'est à peu près ça. Donc, on connaît pas beaucoup ce sujet-là parce que le manque de sommeil est rendu quelque chose de tellement normal dans la vie de tous les jours des Américains, des Occidentaux, qu'on sait pas. Mais ça arrive. Bref. Ben en fait, là, je pense que tout le monde en vit là, au moins une période dans sa vie. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais il y en a qui sont plus fatigués que d'autres, et ça, c'est parce qu'ils manquent de sommeil. Oh, oui, ben il y en a, en fait, que ça leur prend absolument leurs 8 heures. Moi, c'est un peu mon style. Il y en a qui sont capables de fonctionner juste avec 5 heures le sommeil. Moi, je te dirais, attends un peu, toi, tu te couches de bonne heure le soir, toi. Ben, je me couche excessivement de bonne heure. Quelle heure, mettons? 9h30? Ouais, écoute, 9h30. Tu es jusqu'à 5h30 à peu près? Ouais. Ça fait quoi, ça? 8 heures? Ouais. À peu près 8 heures. Ouais. Ouais, ça prend mon 8 heures, moi. Ouais. Sincèrement, là, sinon, j'ai de la misère à fonctionner. Mais vois-tu, en fait, le mardi, j'ai un cours qui finit à 10 heures. Et pauvre toi. Donc, c'est ça. Le mercredi, je le trouve un peu plus raide. Ouais. On te souhaite quand même une belle journée. Ah oui, oui. Non, inquiétez-vous pas pour moi. Le soleil sort, d'ailleurs. Là. C'est vrai, on devrait ouvrir les rideaux à cette heure-là. Hein? Ouais. C'est vrai, ça. Ouais. Savais-tu, François, changement de sujet, mais complètement, que c'était normal dans le temps de porter une perruque dans l'entrejambe? Dans l'entrejambe. Dans l'entrejambe. Dedans, là. Dans l'entrejambe, là. Entre les jambes. C'est ça. Non. Donc, il y a un nom pour une perruque qu'on porte sur sa région pubienne. Ça s'appelle un merkin. Merkin. M-E-R-K-I-N. Maintenant, c'est inhabituel, mais c'était super commun parmi les prostituées et les autres gens qui avaient beaucoup d'activités sexuelles dans leur vie. C'est une bonne façon de couvrir les maladies transmissibles sexuellement. Et vu que la syphilis ou le syphilis, est-ce que c'est masculin ou féminin? Ben, j'aurais dit là, mais peut-être... Mettons, la syphilis était traitée en rasant la région pubienne et était traitée avec du mercure, ce qui causait une perte des poils. Oui. Et le merkin servait de remplacement pour les poils qui manquaient. Donc, les merkins qui ont vu les mêmes raisons d'utilisation que les gens qui portaient des perruques aussi, parce que ceux qui étaient chauves de l'entrejambe ou qui voulaient une autre couleur de poils. Ben, tabarouette. C'était à la mode, c'est même pas genre exotérique, excentrique et tout, l'exotique ou peu importe. Là. C'est tout en même temps. C'était tout en même temps. C'était tout à fait normal à l'époque. Eh ben, c'est pas dans quelles années. Sais-tu qu'en 1970, le docteur Robert White a transplanté la tête d'un singe sur un autre singe? OK, ça a fonctionné? Ça a fonctionné, exactement. Et le singe était capable de penser et d'agir. Fallait tout. Ben, je te jure. C'est un cas où la conscience de l'animal était capable de transférer dans le corps d'un autre animal. Et même si cette recherche-là aurait eu de bonnes implications dans le futur, dans les traitements futurs des humains paraplégiques, par exemple, les expériences ont été discontinuées. Ouais, c'est sûr. Pourquoi, mais... Ben, au niveau moral, là, peut-être pense. Au niveau moral des animaux, en effet. Mais quand même, pour faire avancer la science, je sais pas. Peut-être je trouve ça spécial que... Tu sais, en fait, parce que tu dois être cliniquement mort. Ouais. T'as pas le choix. C'est ça. Pour transférer... J'imagine. Ah, c'est spécial, je savais pas. T'es intéressant, ça? Ouais, vraiment très intéressant. Mmh. Ensuite, il y a une autre affaire intéressante dans ton cas, sûrement. Il y a un Playboy pour les aveugles. Succès! Oh. Nous avons gagné Go USA. C'est vraiment un Playboy? USA, oui. C'est vraiment un Playboy pour les aveugles. Donc, il y a des gens qui ne lisent Playboy que pour les articles. Ben on se comprend là-dessus. Clé d'œil. La Bibliothèque du Congrès, Library of Congress, a des copies braille de Playboy sans photo qui distribue via le National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, donc le service de bibliothèque pour les aveugles et physiquement handicapés. Les citoyens aveugles qui se qualifient peuvent avoir des copies braille de Playboy et de d'autres magazines comme Sports Illustrated. Je sais pas s'il y a le numéro maillot de bain. C'est le swimsuit issue. Peut-être. C'est beau ça. Le National Geographic, Rolling Stone, 17, People et tout ça, c'est envoyé donc à leur bibliothèque locale sur demande. Il y a aussi une organisation de Houston qui fabrique une version audio du magazine Playboy et de plusieurs autres livres populaires et des magazines. Ça s'appelle Taping for the Blind. Ils ont engagé une DJ de Houston. Donc, tu sais, une personnalité radio, tu sais, ils ont toutes exactement la même voix, les DJ féminines de la radio. On connaît tous la voix. Donc, pour lire Playboy, pour les aveugles. Et en plus de lire les articles, et là, je te rajoute un détail qui va te fasciner. Non seulement elles lisent les articles, mais elles décrivent les photos. Oh, ouais, c'est sûr. Donc là, t'as une fille, t'es à peu près blonde, je dirais peut-être 5 pieds 10, hein, puis là, ben, elle est en train de se toucher. Et c'est ça. Ça non, non, mais sûrement qu'il rentre dans le personnage en tant que tel. Ben, j'imagine. Il joue le personnage? Ben, tu penses? Ben, je pense. Ah, bonjour, je suis oui. Roxane. Je porte maillot de couleur. Ah ouais, tu penses? Ben. J'ai pas envie d'être avec, finalement. Non, en fait, non. J'ai jamais vraiment eu envie non plus. C'est ça. Et pour terminer, parlant d'un gars qui n'est pas aveugle, et celui-là est je dirais, le plus loin possible d'être aveugle, le gars est capable de lire des chansons sur des vinyles, François. Dans les trous d'un vinyle. Avec son doigt? Non, avec ses yeux. Hein? Le docteur Arthur Lindgren peut déterminer quelle pièce de musique classique est sur un album vinyle juste en le regardant. Sa connaissance de la musique classique retourne très très loin vers l'arrière jusqu'à Beethoven. Donc n'importe quoi entre Beethoven et le reste après peut être identifié sur les bosses du vinyle. Donc en regardant l'espacement et le contour des bosses, Lindgren peut comprendre le nombre de mouvements dans une pièce, la longueur de chaque mouvement et le son, le volume, l'intensité du mouvement. Donc à partir de tout ça, il peut précisément dire quelle pièce est sur l'album. S'il connaît la pièce, évidemment j'imagine qu'il connaît pas toutes les pièces qui sont sorties sur vinyle, on s'entend? Non. Mais fascinant. Docteur Arthur Lindgren, mettons. Ça se dit mieux que Lindgren. Intéressant. Ouais. Je pensais pas que ça se faisait. Moi non plus. Commençons par Hallmark, la compagnie de cartes, t'es connais? Ben oui. Ils ont une nouvelle ligne de cartes d'encouragement qu'on peut envoyer à ceux qui ont perdu leur emploi. OK. C'est fin, hein? OK, ils ont vraiment... Une ligne complète, okay. Une série de cartes, genre, tu vas trouver une autre job! Ouais, c'est pas grave, des emplois, il y en a partout. Ou genre, il y a plein de poissons dans l'océan, mais il y en a pas dans ton congélateur parce que t'as pas l'argent pour t'acheter de la bouffe. Mais non, peut-être pas. Ouais. Peut-être pas celle-là. John Steinbeck, est-ce que tu connais John Steinbeck? Non. Il a écrit un livre qui s'appelait... qui aurait pu s'appeler « Something That Happened ». Il sait pas, tu sais, quelque chose qui s'est passé. C'est devenu « Of Mice and Men », des souris et des hommes. Donc, on aurait pu avoir, à la place d'être l'émission des Kiwis et des Hommes à Radio-Canada, ça aurait pu être « Il s'est passé quelque chose au marché, quelque chose. » mettons. Kiwi des hommes, hein, c'est une émission merveilleuse. Ben oui, ça a bien du sens, ça a bien du sens. J'adore. J'aime beaucoup mieux Melon Miel et Chou de Bruxelles ici à C'est fou les lundis à 9h. Ah oui, tout à fait. Melon Miel et Chou de Bruxelles. Non, ça ne pas quoi. L'éditeur de George Orwell. Est-ce que tu connais George Orwell? Non. On a déjà parlé avec Marie-Pierre, là. Big Brother, etc. Là. OK. Tu sais, le livre, là. Bon. OK, oui. Bon, ben justement, ben, l'éditeur de George Orwell n'aimait pas le titre de son livre « The Last Man in Europe », le dernier homme en Europe. Donc, il a recommandé un autre titre que l'auteur avait eu dans sa tête, 1984. Et c'est devenu le livre 1984. Ça aurait pu s'appeler « Le dernier homme en Europe ». Eh bien, l'Américain moyen de 3 ans, donc un enfant de 3 ans en moyenne aux États-Unis, peut reconnaître combien de logos de marque, tu penses? Tu sais, des logos beaucoup. De marque McDonald's. Ouais, ouais. Beaucoup. 100. 100? 100 logos de marque. 3 ans? 3 ans. Nintendo, peut-être. Toys R Us. Ouais, ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Tu connais Angus T. Jones, c'est le gars qui joue dans Mon Oncle Charlie, là, deux hommes et demi, là, Two and a Half Men, là, l'émission avec Charlie Sheen. Bon. Donc Angus T. Jones, le jeune, a eu 18 ans le 8 octobre dernier et il fait environ 300 000 $ par épisode. 300 000 $. Je sais pas si le salaire d'avant ses 18 c'est ans bien. Va être reçu là maintenant, tu sais, genre comme une grosse somme de... Peut-être. Difficile à dire parce qu'il a joué plus longtemps en étant mineur qu'en étant majeur à date. L'expert de la langue, et là, je vais même pas le prononcer, je vais vous l'épeler. La langue qui s'appelle point d'exclamation X majuscule O accent aigu O tilde. L'O avec une petite vague dessus. Donc ça, c'est le nom de la langue. Xou, mettons. Là. Donc, du Botswana. Ça, c'est le pays où on parle cette langue-là. A développé une maladie de la gorge, en fait, sur le larynx, qui l'empêche... Comment ça dit ça? Ah, c'est ça. C'est parce qu'il a essayé d'apprendre cette langue-là. Et cette langue-là, qui est le gzou, là, c'est en majorité des cliquements de bouche. Des cliquements de bouche et de langue. Donc, il a développé une maladie de son larynx en essayant d'apprendre la langue gzou. Et c'est lui l'expert, là, le gars qui connaît le plus la langue. Incroyable, hein? Mmh. Incroyable. Selon l'Encyclopédie Britannica, l'alphabet de cette langue-là, le gzou du Botswana, a 126 consoles et 83 sortes de clics de langue. 83. C'est beaucoup de sortes de langues, de cliquements de langue. Et boy boy. Les mots écrits sur Twitter à chaque jour rempliraient un livre de 10 millions de pages. Hey. 10 millions à chaque jour? Oui. Incroyable le temps qu'il se perd là-dessus, c'est fou. C'est énorme. En 2008, un homme en Ohio a été arrêté parce qu'il a eu des relations sexuelles avec une table à pique-nique. Je sais pas si t'avais déjà entendu la chronique, une chronique dans le Dîner de Con à un moment donné sur ça, sur les... Arrêtez! Ouais, sur les gens qui ont des relations avec des objets, la Tour Eiffel, l'autre s'était marié à la Tour Eiffel, l'autre c'était avec une clôture, puis... En tout cas, bref, ça arrive, c'est comme ça. Alors qu'en 2007, un homme avait été mis sur la liste des prédateurs sexuels après avoir eu des relations sexuelles avec un vélo. Bon, c'est comme ça. Oh. Jugeons pas, là, non, François, non, mais c'est ça pareil. Hein? C'est vrai. OK, très intéressant ici. Un étudiant de l'Université du Connecticut, on aime tous le Connecticut, surtout pour le prononcer comme ça, a gradué avec 5... là, en français, tu me diras c'est quoi, tu connais plus les universités que moi. 5 majors, 5 minors et 276 heures créditées. Donc des majeurs, des mineurs, tu peux comme choisir des plus petits, des petits diplômes, là, puis des gros diplômes, il y en a des petits moyens. En tout cas, bref, Devin Thomas Gaines a commencé en sciences de l'ordinateur et en ingénierie. Donc ça, c'est majors. Mais il a, disons, élargi son, comment dire, ses intérêts. Ça lui a pris 5 ans pour compléter ses études à l'Université du Connecticut. Il a fini avec des majors. 5 ans pour tout faire ça? Tout ça. Donc, il a fini avec un major en Computer Science, Cognitive Science, Theater Studies, Linguistics and Psychology, donc la psychologie, et aussi Cinéma, Culture et Cognition. J'ai aucune idée comment traduire ces affaires-là. Et il y avait aussi 5 minors. Il a dit qu'il ne voulait pas regretter les opportunités qu'il pouvait avoir au collège, même s'il admettait qu'il n'a pas beaucoup dormi en étant aux études comme ça aussi souvent et aussi longtemps. Malheureusement, par contre, après quelques mois après avoir gradué de tout ça en 2007, ben il s'est noyé. Non. L'histoire finit plate. Pour vrai? Oui, il s'est noyé. C'est quelque chose quand même. C'est fou quand même, la vie. Il s'est vraiment forcé pour faire tout ce qu'il pouvait à un jeune âge pour avoir le plus d'opportunités dans la vie, puis il s'est noyé. Ouais. On n'a toujours pas trouvé c'est quoi majors puis minors en français. Ben, une majeure, j'imagine qu'en fait, ça doit être comme un bac. Ouais, c'est ça. Puis une mineure, ça doit être un certificat. C'est un bac, puis là, c'est une petite poubelle, mettons, de salle de bain. là. Ouais. Un bac, puis une petite. Mm. Ça marche pas, hein, ça marche pas cette blague-là. Mm. On parle de porno. OK, réveillons-nous, on parle de porno. Allô? Bon matin, tout le monde. Le premier film porno a été fait en 1896. 1896, quelques mois après l'arrivée du cinématographe. Le coucher de la Marie est vu souvent comme étant l'un des premiers, sinon le premier film pornographique à jamais avoir été fait. C'est un film français d'Eugène Pirou en 1896. La plupart, en fait, une grosse majorité du film a été perdue. Il ne reste que 2 minutes sur 7, donc 2 minutes de préliminaire. Pas aussi intéressant quand même. C'est un peu long. C'est ça. Le film capitalisait sur une nouvelle technologie, donc le cinématographe qui a été breveté en 1892. Le premier film non porno à avoir été joué sur l'appareil, oui, en public, était La Sortie des Usines Lumière à Lyon en décembre 1895. Voilà. Toujours dans le domaine de la porn, François, oui, on vas-y. Reste dans le même sujet. Les hommes produisent du meilleur sperme lorsqu'ils regardent de la porno où il y a plusieurs hommes. Hein? C'est vrai. C'est vrai pour les mâles de plusieurs espèces. Donc, lorsqu'ils sont entourés de mâles qui sont en compétition avec lui, dans le fond, la qualité de sperme de l'homme va augmenter pour compenser pour la compétition qu'il voit devant lui. Donc, ce qui augmente les chances de procréer. Dans une étude, les hommes hétérosexuels fournissaient des échantillons de sperme en regardant des photos explicites de soit deux hommes avec une femme ou encore trois femmes ensemble. Hein? Donc, le nombre de spermatozoïdes n'avait pas de différence entre les deux groupes, mais les hommes qui regardaient des images de deux hommes produisaient du sperme de meilleure qualité. Hein? Eh ben, hein? Eh c'est ben. Quelque chose, ça, hein? Moi, je trouve que oui. Ouais. Et pour terminer dans cette chronique, c'est un fait, les premières répliques de la chanson-thème du Roi Lion. Tu te rappelles la chanson-thème du Roi Lion, François? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Est-ce que, je pensais que je l'avais ici. Je suis sûr que je l'avais là. Je l'ai pas. Ah ben, Colin, c'est plat. Va trouver. Donc, les premières lignes de la chanson-thème de The Lion King, le Roi Lion, sont du Zoulou, qui veut dire « Voici un lion, ou s'en vient un lion, mon père. Oh oui, c'est un lion. » C'est le compositeur sud-africain Lebo M qui chante les premiers mots qu'on entend dans le film, que j'essaierai même pas de vous lire, mais que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com. Et c'est ça que ça veut dire. Donc, s'en vient le lion, mon père. Oh oui, c'est un lion. Nous allons conquérir un lion et un léopard. Blablabla. Super intéressant. Eh hein? Ben. Eh ben, Colin, tu parles d'une affaire, toi. Hein? Chaleur t'arrive sur la ville. Restez avec nous, ce guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis revient tout de suite. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, Assemblage Requis. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis mettant en vedette les chroniques véridiques, véritables et vérifiables. C'est un fait. Le USDA, ça c'est le US Department of Agriculture, c'est le département de l'agriculture américaine, qui permet l'utilisation du terme WINGS, W-Y-N-G-Z, pour parler d'un produit qui est en forme d'aile de poulet, mais qui ne contient pas de viande qui provient d'une aile de poulet. Donc, mettons dans une épicerie, le produit est marqué Chicken Wings, W-Y-N-G-Z, là, et ça va être juste une forme d'aile de poulet. Ça contient du poulet, sûrement en partie, mais pas de l'aile. Ils n'ont pas l'air d'utiliser le mot wings, W-I-N-G-S, l'appellation normale du mot wings. C'est comme si nous, c'était des ailes de poulet, mais tu sais, E-L-L-Z, là, tu sais, genre. Ou Z-E-L-E, des ailes. C'est des accents graves L-E, mettons. Ouais, des ailes de poulet. Il y aurait le droit de faire ça, peut-être. Aux États-Unis, pas au Canada. En fait, je sais pas s'il y a des règles là-dessus au Canada. Peut-être, sûrement. Je ne me suis pas renseigné. Donc voilà pour les Wings, W-Y-N-G-Z, j'adore ça. En 1988, le père, le George H.W. Bush, le premier président Bush, a brièvement considéré choisir Clint Eastwood comme colistier à la présidence américaine. Imagine le ticket George H.W. Bush et Clint Eastwood. Wow, hein? Il manquait que chose, là. Chose, Colin. Chuck Norris. Ouais. Mais pas Chuck Norris. Non, hein? Non. Il est jamais loin de Clint Eastwood. Non, il est jamais loin. Où ça brasse, il est tout le temps là. Et voilà, là où ça brasse. Il y a 99 ans, en date du 14 octobre, Teddy Roosevelt, d'accord, avait été. Ça, c'était le président, d'accord, c'était ça. A été tiré avant un discours dans le Milwaukee. OK. Il y avait encore la balle à l'intérieur de lui-même, il a choisi de donner son discours quand même. Ça, c'était un vrai cowboy. Vraiment. Teddy Roosevelt, le 26e président des États-Unis. Un vrai de vrai. Comme Chuck Norris, je suis sûr qu'il a réussi à faire ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Chuck Norris l'aurait sûrement arrêté avec ses dents. Je te dis ça comme ça, là, mais. Ça veut dire que ça prend 550 arachides ou cacahuètes, d'accord? Arachides. Arachides pour faire un seul pot de 12 onces de beurre de cacahuètes. Combien? 400? 550. 550. Dans un pot de 12 onces de crémeux, là. Crémeux. Hein? Fantastique. Est-ce que tu préfères le crémeux ou le craquant? Crémeux. Caroline, je pensais pas que ce serait aussi, que ce serait aussi long que ça. Crémeux. Non, mais je pensais pas que t'allais me poser ça comme question. Une question déchirante. Ouais, c'est ça, ouais. J'avoue, là. Ça serait préparé. Est-ce que t'as goûté au extra fluffy, là, super non, crémeux? Non, c'est comme, non, la, non, c'est comme non, de l'air, non, ça. Non, c'est non, bon, non, c'est bon, ça. Bon, c'est, tu manges n'importe quoi. C'est toi qui l'as dit. Mais là, si t'avais voulu faire une blague, au moins, tu t'aimes ça manger n'importe quoi qui est crémeux, t'aurais pu faire cette blague-là, ça aurait été plus drôle, non? Non, mais n'importe quoi, crémeux ou pas, okay. Mathieu Lomond. Ben oui, ben oui. D'accord. L'hôpital. La Public Hospital for Persons of Insane and Disordered Minds. Donc, si j'essaie de traduire, l'hôpital public pour les personnes débiles ou avec un trouble mental. Insane. Tu traduirais ça comment, insane, fou? D'accord. Débile. Bon, laisse-moi donc dire ce que je veux. Donc, c'est le premier asile des États-Unis. Je te laisse manger déjà ce que tu veux. En tout cas, tu m'as jamais retenu. Non, je ne t'obtiendrai jamais non plus. Ça servirait contre toi. OK, donc le premier hôpital pour fous, d'accord, s'est ouvert à Williamsburg, en Virginie. C'était le 12 octobre 1773. Donc, ça 1773, quand même. Donc, il y a des gens fous depuis longtemps, tu sais. Oui. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a des Kit Kat à seulement 3 doigts. C'est des doigts de Kit Kat, on s'entend, les petits bâtons. Il y en a à seulement 3. C'est à, dans le Moyen-Orient. Mm. C'est à 3, ça existe. Nous, on a quoi, 4? Ouais. Je pense qu'il y a des singles 4. Aussi. Tu peux l'acheter avec juste une barre. Ouais, puis en fait, il y a les doubles petites dans le temps de l'Halloween. Oui, ok, parfait. Là, on va les voir prochainement. Il y a des chunky aussi qui sont comme vraiment plus épais. Ça, c'est bon, c'est bon. Ah c'est ouais, bon. Ouais, ouais, ouais. Les... Il y en a avec du toffee dedans. Là. C'est bon, ça aussi. Et calme. Ah, en tout cas, des Kit Kat, j'en parlerai toute la journée. Hein. Justement, je vais continuer sur le sujet. J'avais oublié. Il y a des Kit Kat au Japon avec des saveurs spéciales. Des Kit Kat au cocon. Ah. Des Kit Kat au wasabi. Ça pourrait être quand même quelque ben, chose. C'est extra fort. Piquant, là, piquant. Et au gâteau au fromage et aux fraises. Ça, c'est une seule saveur, gâteau au fromage aux fraises. Un strawberry cheesecake. Ça, j'adore. Changeons complètement de sujet, mais ça reste de la nourriture pour certains. Les chats américains tuent 1 milliard d'oiseaux par année aux États-Unis. 1 milliard d'oiseaux. Toutes les chats aux États-Unis. Quand même, ils sont forts. C'est pas le mien qui ferait ça parce que le mien, il y a une mouche puis il fait comme « Ah, une mouche! Bye! » Ben, c'est des griffes? Non. Bon, mais au moins gifler un peu la mouche. Tac, tac, tac. Ah. Il en fait vivre, là, tu sais, des émotions. Des émotions. Des émotions. On reste dans les animaux. Saviez-vous qu'il y a au-dessus de 1200 espèces de chauves-souris dans le monde? Non, je sais pas. J'en ai, j'en avais une dans mon poêle à bois. Dans Morte? Ben, j'espère. Ouais. Ouais. Et ben, c'est tout. C'est cool. C'est un fait. C'est presque aussi intéressant que mes faits, ça. C'est dans le sens de pas. Tu connais le créateur de Mario, Shigeru Miyamoto? Non. En tout cas, c'est le créateur de Mario, là, non, entre autres, et sûr, d'autres moi. Séries comme ça, je te jure. Qui essaie de deviner les mesures des choses et les poids des objets, d'accord? Parce qu'il y a toujours un tape à mesurer, un ruban à mesurer sur lui. Il devine les longueurs. Pour lui, c'est important. C'est important pour lui. Ouais. Ça doit être un obsessif compulsif des grandeurs. Tantôt, tu parlais de troubles mentaux. On aurait pu peut-être faire un lien avec en ça. En 1773. Oui, tout à fait. Toujours dans le domaine du créateur de Mario, donc Shigeru Miyamoto, qui, à l'origine, voulait nommer son personnage, et non pas Mario, mais bien Monsieur Vidéo. Mister Vidéo. Ça sonne bien quand même. Ça sonne quand même pas pire. Hein. Ah, il l'a l'affaire, hein? Shigeru, pour vrai. Comment? Rapproche-toi du micro. Ouais, ça je me disais que c'était quand même long comme nom. Monsieur Vidéo. Monsieur Vidéo. Mario, c'est comme... Nanana, Mario! Nanana. Oh là là, qu'est-ce que... Hey, Mario! Mario! Mario! It's me, Mr. Video! Mario! Ouais, ben ça sonne bien. Pas pire? Ah oui, merci. C'était pas à cause de toi. Mais... Ben, laisse donc faire, là-bas. Les sons à l'intérieur de votre estomac, quand il y a des bruits, des mouvements d'estomac, là, on appelle ça borborygmie. De la borborygmie. Borborygmie, avec un Y, là. Non? Borborygmie. C'est la première fois que j'entendais ça. Non, vous appuyez ça comment, vous autres, des ronronnements d'estomac, des mouvements de tuyaux, de boyaux? Comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai jamais cherché à trouver de nom pour ça. Non, hein, tu fais juste les enjoy. C'est comme, enjoy, okay, y a des bruits, c'est tout. Ouais. J'ai faim, mettons. Ouais, ou du coup, tu sais, je sais pas, ça brasse dans mon ventre. Faut que j'aille aux toilettes. Bon, d'accord. La pomme Macintosh est la pomme nationale du Canada. Peut-être que vous saviez pas ça, la Macintosh, d'accord. Les ordinateurs Macintosh avec un A-M-A-C, parce que Macintosh, c'est le nom de la pomme, c'est M-C-Intosh. Là. Donc, les ordinateurs Macintosh, ils ont changé leur nom à cause de raisons de copyright. Ils ont été obligés de rajouter un A pour Macintosh parce que la pomme était copyrightée Macintosh. Oh. Eh ben, hein, eh ben. Il nous en reste deux derniers. Ça, je pense que j'en avais déjà parlé du début de ce fait-là, qu'il y avait déjà eu des saveurs de pèse, tu sais, pèse les petits bonbons, là, ouais. À l'eucalyptus, au menthol et aux fleurs. Non, je pense pas. Fleurs. Pèse, c'est les petits bonbons là, qui viennent avec un distributeur. Ouais, une face de personnage, ouais. De Disney, mettons, ouais. N'importe quoi. C'est les petits bonbons qui sortent. Je sais pas si j'ai déjà parlé que le mot pèse vient du mot allemand pour de la menthe. Pesos, non? Non, pour peppermint. Tu sais, la menthe, peppermint. C'est pfeffermunz. Le mot en allemand, mais sûrement bien prononcé, ça. Pfefferminz. Genre. Voilà. Et on termine avec des personnes. Je vais vous nommer des noms, vous allez me dire qu'est-ce qu'ils ont en commun, OK? Franklin Delano Roosevelt, là, des présidents américains. Albert Einstein. Edgar Allan Poe. Thomas Jefferson. Johann Bach. Charles Darwin. Et Rudy Giuliani. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Des noms difficiles à prononcer, non. Non. Ils ont tous marié leur cousine. OK. Fantastique. C'est mais il en manque, là. Il en manque. Ah, il y en manque, ouais, mais c'est ça. C'était pas une liste exhaustive, François. Là. Parce que. Ça prendrait l'émission, hein. Comment est-ce qu'il s'appelle le chanteur, là? Qui a marié sa cousine. Chanteur qui a marié sa cousine, là? Ben, Jerry Lee Lewis. Ah, Jerry Lee Lewis, on en parlait avec Simon dans sa chronique récemment. Oui, il y avait pas aussi. Il semble qu'il y en avait un autre, là, dont le nom m'échappe, là. Ça me revient pas. En tout cas. Il y a d'autres mondes qui ont marié leur cousine. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Mais c'est comme ça, c'est une liste non exhaustive, voilà. Ouais. C'est tout pour la collègue, c'est un fait. Ça finit sur une belle note. Hein. Ouais, c'est un peu... Oh, c'est correct. Ah ouais, ouais. Ben, respect ça. Ben, ouais, les Mormons, qu'est-ce que tu penses qu'ils font dans la vie? Les autres, ils marient 8 femmes, genre. Mais non. Les Mormons? C'est les Mormons qui font ça. Non. Non? Non. Attends un peu, là. Je pense que c'est les Mormons qui font ça, qui marient plusieurs... T'es sûr? Non.

C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. François, on s'apprend des affaires. Dis-moi quelque chose que je sais pas. T'sais? Ouais. Tu pourrais me dire. Ouais. Tu pourrais me dire ça? Ouais, je pourrais te dire. Dis-le donc, va. Non, non, non. Non, OK. Non, oui. On commence avec du football, François. Oh! Savais-tu, selon le Wall Street Journal, okay. Okay, selon une étude qu'ils ont fait, il y a seulement 11 minutes de football dans une partie de la NFL. 11 minutes calculées. T'sais, une fois, 11 minutes pauses, d'action, là. D'action intense, là. 11 minutes. C'est tout. Putain, long, tu sais. Ouais, ça vient cher de, pour le billet. Tu peux faire de la minute, ouais. Parlant d'attente, selon un sondage de Zogbee, attendre le gars du câble, OK, ou n'importe quel autre rendez-vous là, qu'il faut que tu attendes à la maison, tu sais, okay. Je vais être là en 8h ouais. 5h, bon, ça fait perdre aux Américains 37 milliards de dollars par année. OK, en frais de salaire, j'imagine. Ouais, c'est ça exactement, le temps que tu dois quand passer même, à la maison. Mais ça, dans le monde normal, qui sont pas des compagnies où, tu sais, on est lousse, un petit peu comme ici, mettons, les vraies entreprises, genre Big Thing, tu sais, qu'est-ce que tu fais quand il faut que tu attendes le gars du câble? Ben, tu prends un congé. Pas payé? Ben non. C'est plate, ça. C'est comme ça. J'ai une maladie, non? J'ai quand même... Ben, tu peux. Non? Ouais. Tu peux, mais en même temps, à son compté. Souvent, il y en a, il faut que tu amènes un billet du médecin aussi, ouais. Des fois. Ou du Goldscab. Le Goldscab, c'est le Goldscab, ouais, non. Peut-être. Mais, ça. Mais à cette heure, les compagnies, ça s'en vient de mieux en mieux. Là. Ouais. En fait, tu peux te céduler... Une heure précise. Ouais, ou la fin de semaine. Ouais, ben, je savais pas ça. Oh, ouais, ouais. Je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, une femme du Michigan qui avait donné naissance à un enfant le 10 octobre 2010, donc le 10-10-10, ouais. Le 9 septembre 2009, donc le 9-9-9, et le 8 août 2008. Hein? Trois fois? Ouais, trois fois, à des années comme ça, avec le même nombre, le même chiffre. Elle n'est pas enceinte, elle n'était pas enceinte le 11 novembre 2011. Elle vient de tout gâcher son affaire, puis en plus, c'était tous des chiffres pareils. Hey! Hey! Y a-tu pensé ou? Non, mais je sais pas. Non? Je sais pas. L'histoire ne dit pas. Non. Mais en même temps, même si tu calcules, là, c'est jamais 9 mois exactement. Hein, non. Il faut vraiment que tu sois très, très chanceux. Tu le sais pas. Tu le sais pas du tout. Parlons maintenant d'une, d'une course de bateaux sex dolls en Russie. De poupées gonflables? Des poupées gonflables. C'est la Bubble Baba Challenge. Le Bubble Baba Challenge qui a commencé en 2003 alors qu'un groupe d'amis qui devinait quoi était sous. Hein? Ouais. Je pensais que ce serait hilarant de se promener en poupée gonflable comme bateau et donc se promener sur une rivière à Losevo, qui est une ville près de Saint-Pétersbourg en Russie. Seulement 60 personnes avaient participé à la première course sur la Vuska River. Ça attire maintenant 800 personnes, même si la course ne dure que 3 minutes environ. Au départ, il y avait seulement des hommes qui participaient, mais la course attire maintenant tout plein de gens et tout plein de sortes de poupées gonflables. Hilarant, le mot... Ouais, ouais, bon. Quand t'es sous, ça apparaît bien, bien drôle. Ouais. Bien, bien drôle. C'est ça. Jusqu'en 2011, selon le FBI, oh. Les hommes ne oui. pouvaient jamais, impossible, être victimes de viol. Selon le FBI. Je sais, oh. Je sais. Jusqu'en 2011, je vous explique. La définition du FBI, donc, pour le viol, est sur la page 19 des UCR Guidelines. Ça disait donc, dans le fond, que c'était de forcer une femme à faire des choses contre sa volonté, blablabla, mais ça parlait seulement de femmes, ça parlait pas d'hommes. Donc, ils ont changé la règle le 20 octobre 2011. Pour que maintenant, ce soit ouvert à tout le monde. Wow, ça a ouais. du sens. Ça a du sens. Ouais. Ça a été tard, par exemple. Exactement. 20 octobre. Donc, ça fait pas longtemps. Non, non, c'est là, là. Ah. Là, là, là, là. Parlons d'un homme qui a survécu pendant 18 jours sans nourriture ni eau. En léchant, ni eau? Ni eau. En léchant les murs de la prison. Ah. Ouais, hein. C'est, oh, tout le monde est comme... Oh. Pardon, c'est quoi, il l'avait oublié, là, ou? Ben oui, exactement. Andreas Miavech, je vais prononcer ça Miavech comme si je savais comment prononcer ça, a été passager dans un accident de voiture. La police l'a amené, l'a mis dans une cellule de rétention, si on veut. Ils ont ensuite oublié ce gars-là. Donc, pendant 18 jours, personne n'est venu à sa cellule pour vérifier comment il allait. Les gardes, plus tard, ont dit qu'ils pensaient que c'était un autre garde qui l'avait laissé partir. « Oh, mais l'autre, t'as supposé le faire, l'autre l'a fait. Moi, je pensais que l'autre ben, l'avait voyons, fait. » Donc. Ben, oui. N'importe quoi. Donc, comment il a survécu pendant ces 18 jours sans nourriture, sans eau? C'était en léchant la moisissure sur ses murs de prison. Hein? Ce qui lui donnait assez de choses nutritives là, pour ne pas mourir. Par contre, ça ne l'a pas empêché de perdre 53 livres de poids. Là. Hein? Ouais, quand même. Ah, y avait des bonnes réserves. Par exemple, 53 livres. C'est ça. C'est ça. Il y avait des bonnes réserves, ouais. La police, dans le fond, a reçu une peine de 2000 euros. C'est pas beaucoup. Par mais... personne. Par personne. Par personne. Ça ne dit pas combien de gens. Et la personne, la victime, si on veut, a reçu 19 000 euros pour avoir vécu ça. Impressionnant. Ouais. Impressionnant. Quelque chose d'autre d'impressionnant, moi je trouve ça vraiment fascinant, un joueur de rugby. Vous connaissez le rugby, là? Mm-hmm. Un sport, là, de monde qui se fesse dedans, finalement. Non, c'est ça? Qui se rentre dedans? C'est un peu comme le football, mais en tout cas, bref, c'est pas vraiment exactement les mêmes règles non plus. Mais... ben, je connais autant ça que le football et ça m'intéresse autant. Donc voilà. Un joueur de rugby amateur de 266 livres, d'accord, essayait d'impressionner ses, dans le fond, ses coéquipiers de travail pendant une pratique en faisant des culbutes. Un backflip. Okay. On appelle backflip. En termes de cheerleading, je sais pas comment on dit ça. C'est un backflip, ça se dit, ça? Ouais. Un backflip, on va s'entendre là-dessus. Donc, il faisait un backflip. Qu'est-ce qu'il a fait? Tragédie, évidemment. Il s'est cassé le cou? Ben, c'est ça. Il est tombé sur son cou. Il l'a pas cassé, mais il est tombé sur le cou. Et il a souffert d'un, comment on appelle ça, stroke, une attaque, là, si on veut. Ouais. Bon. Donc, même s'il s'en est remis en n'ayant aucun dommage physique, son cerveau, OK, a eu une transformation. Et là, il s'est réveillé gay. Ça arrive. Oh. Donc, c'est Chris Birch, ou Burke, qui prévoyait, dans le fond, se marier avec sa copine. Il disait, je ne suis plus attiré par les femmes, ou ceux qui s'est réveillé. Et il n'avait jamais été attiré par les hommes avant. Mais il s'est dit, peu importe ce que j'étais avant, maintenant, mes sentiments sont comme ça à cause de ces nerfs dans le cerveau qui sont fait changer. Oh. Mais j'avais entendu un peu la même histoire au dîner de con avec Danny Janvier. Ben, ouais. Il me vole mon matériel, non, c'est vrai. Non, mais je sais pas exactement si c'était le même événement. Là. C'est peut-être pas le même parce que ça arrive souvent. Par exemple, tu peux avoir un autre accent quand tu te réveilles. Un autre accent. Tu peux devenir un artiste. Donc, soudainement, hop, t'as du talent pour faire de la peinture. Ouais, mais devenir artiste, c'est tout le monde c'est à l'intérieur de lui. Dans le cerveau, c'est que ça. Ouais. Je te dis. Il disait qu'il n'était plus intéressé par le rugby non plus, puis qu'il avait très peu de choses en commun avec ses anciens amis, blablabla, etc., etc. Donc, le cerveau qui a fait de nouvelles connexions, voilà. Et on termine avec un dernier fait. Je le choisis comme ça, rapidement. Pourquoi pas? Ah, tiens, ça aussi, c'est très intéressant. Kevin Costner. Mm-hmm. Tu connais l'acteur? Kevin Costner. Ben Costner. Oui. Bon. A parlé dans Il danse avec les loups. Encore une fois, le film, j'ai jamais vu ce film-là, mais je vais le dire quand même. Donc, il parle au féminin dans Dances with Wolves. Oh. Pourquoi? Hein? Parce que c'est un film historique, on s'entend, la culture est très importante dans ce film-là, il fallait vraiment qu'ils trouvent les bonnes affaires à dire. Mais quand ils ont filmé Dances with Wolves, les producteurs ont engagé un professeur pour parler la langue Lakota. Lakota. C'est comme dans les annonces. Lakota, ben. Les pilules. Ouais, c'était pas des pastilles. Pastilles. Ben. On sait pas, on dirait que tu m'intrigues, là, mais. Bref, Lakota. Par contre, ils n'avaient pas réalisé que la langue Lakota avait un côté masculin et un côté féminin. Dans la façon de parler, les phrases sont dites au féminin au complet ou au masculin au complet. Donc, le professeur qu'ils ont engagé était une femme, mais elle, étrangement, parce que c'est une professeure de la langue Lakota, elle ne connaissait pas la différence. Elle ne savait pas qu'il y avait une distinction entre les hommes et les femmes là-dedans. Je sais, ça n'a aucun sens, mais bon. Donc, bref, quelqu'un est arrivé au cinéma et là, a commencé à rire de Kevin Costner qui parlait. Et puis, finalement, ils ont découvert pourquoi. Que c'était comme ça. C'est dans Il danse avec les loups, si tu comprends la langue. Oh. Non, mais vraiment, tu sais, t'as un budget pour un film, t'engages un professeur. En tout cas. Ouais. Je comprends pas ça. Ouais, c'est assez moyen. Non, mais tu sais, c'est comme en français, si t'avais un professeur, puis ça n'avait pas le masculin ou le féminin des affaires, tu sais. Ah ouais. Très bon exemple, exactement le même exemple, fait que ça valait pas vraiment la peine de le dire, mais quand même. Dans ces jours-ci, là, en 1985, Microsoft lançait Windows 1.0. Oh, le 1.0? 1.0, pour la version avec les petites fenêtres. Et, ouais. Donc, avant de choisir le nom Windows, Microsoft avait considéré le nom Interface Manager. Oh. Pas aussi catchy que tes fenêtres. Windows. Ouais, bon, j'aime ça. Le 19 novembre dernier, c'était la journée mondiale des toilettes. Oh, des toilettes, OK. Des toilettes. On célébrait les toilettes. Quel est le cadeau numéro 1 sur les listes de souhaits là, des fêtes là, chez les enfants américains entre 6 et 12 ans? Liste de souhaits, cadeau numéro 1, François. Qu'est-ce que c'est, tu crois, pour les enfants? Black Ops? Non? Non. Je sais pas. C'est un gadget, une machine. Cher. Oh, un iPad. Alors que l'iPod Touch et l'iPhone sont en deuxième et troisième place. Donc vraiment, Apple a le top 3 des choses que les enfants veulent, mais qu'ils n'auront sûrement pas parce que les parents trouvent ça beaucoup trop cher. C'est cher. Mais là, sérieusement. Un homme en Serbie, un homme serbe, d'accord, de 80 ans. Il mangeait 12 000 fourchettes. OK, il a déjà mangé 12 000 fourchettes et 25 000 ampoules de globe. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi les gens mangeaient du métal comme ça. OK,

Exactement. Et ça se joue au Rose Bowl de Pasadena, en Californie. Attends un peu, qu'est-ce que c'est? C'est un... Pas du bowling. C'est du football américain collégien. Oh. Football, collège, là, etc. Donc, le Rose Bowl, au départ, ça s'appelait Battle of the Flowers. Wow. Le combat des fleurs. C'est tendre. C'est tendre, c'est bartender, c'est super. OK, on parle de couleur de voiture. Couleur extérieure d'une voiture, ça varie par le type de véhicule. Donc, je te nomme des véhicules et tu me dis quelle est la couleur la plus populaire. Okay. Ou est-ce que tu veux le contraire? Est-ce que tu nommes une couleur et tu me dis c'est quoi le véhicule? Non, on va y aller. Okay. Première deux. Véhicule. Donc, camion. Camion noir? Non, blanc. Blanc? Ouais. Voiture luxueuse. De luxe. Noir? Oui, exactement, noir. Et autre voiture? Rouge. Non, argent. Argent. Argent. Quand même, hein? Camion blanc. Voiture luxueuse noire et autre voiture argent. J'aime ça. Et on termine avec ce dernier. En 1986, tu connais Ted Nugent, le chanteur de rock and roll? On en joue des fois à l'émission Rock Classique avec Alain Lefebvre. Ted okay. Nugent. Donc, il a misé 10 millions de dollars pour acheter la compagnie Muzak. Tu sais, la compagnie qui fabrique la musique d'ascenseur. OK. On appelle ça souvent la Muzak, la musique poche, la musique de point, point, point, point, ouais, point, c'est... point, point, point. Donc, il a misé sur la compagnie Muzak 10 millions de dollars pour fermer la compagnie. Mais l'offre a été rushed. 10 millions pour former quelque chose. Ben, tu sais, quand la musique est si plate que ça, c'est comme... Mais ben ouais, ben. Il va en avoir un autre qui va se réveiller, qui va l'ouvrir. Puis... C'est clair. Muzak. Muzak. Je trouve... C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. François, on a une rafale fait rapide pour commencer. Allons-y. Parlons de leurs vacances, d'accord? Devine le pourcentage d'Américains employés, donc qui ont un emploi, qui sont adultes et qui ont une adresse courriel du travail. Donc, combien de ces gens-là vérifient leur courriel en vacances? Je dirais 35%. Exactement le contraire. Ah ouais, 68. Bon, exactement. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de gens qui vérifient leur courriel du travail. Maintenant, devine la prochaine personne. Une personne qui a été, dans le fond, acceptée ou comment tu dis, inducted, genre dans un Hall of Fame, là, genre... Introduit. Introduit, voilà, dans le Rock and Roll Hall of Fame, trois fois. En tant qu'artiste solo, en tant que membre du groupe Cream et dans le groupe The Yardbirds. Qui est cette personne? Je sais pas. Eric Clapton. Oh. Trois fois dans le Rock and Roll Hall of Fame. Il y a une légende urbaine. Est-ce que tu connais la boisson alcoolisée Zima? Zima, non. Z-I-M-A, non? Il y avait une légende urbaine qui disait que c'était pas détectable par le breathalyzer, le truc pour la laine. Ouais, donc, ça a augmenté sa popularité parmi les jeunes et les gens très naïfs. Mais finalement, c'est faux complètement. Non, c'est niaiseux. C'est faux. Il y a quelques jours, le 25 novembre, ça c'était quand, 25 novembre? C'était vendredi passé, c'était la journée mondiale de la mise à jour de du furteur de vos parents. Donc, vos parents ont un furteur Internet pas à jour avec plein de vulnérabilités. C'est donc la journée internationale pour le changer, le mettre à jour. Alors maintenant, si vous ne le saviez pas, ben faites-le aujourd'hui, faites-le demain. Faites-le, mettez à jour le furteur de vos parents et profitez-en donc pour mettre le furteur de votre ordinateur aussi à jour parce qu'il y en a qui c'est pas à jour. Tu connais Hello Kitty? Ouais. C'est-à-dire que son vrai nom est Kitty White? Non, je ne savais pas. Kitty White, quand même. Pendant une journée en 1998, la ville de Topeka, au Kansas, a changé son nom. Devine pourquoi? Pour quel nom elle a changé? Topeka. Topeka. Je sais pas. Pikachu. Oh, ils ont changé pour Topikachu pour marquer le début aux États-Unis de Pokémon. Topikachu. Oh. Super. Un des premiers prototypes de Sonic the Hedgehog, tu sais, le jeu vidéo Sonic, ça s'appelait Monsieur Needle Mouse. Monsieur Needle Mouse, une sorte de souris, ça, Needle Mouse. Okay. Jim Henson a fabriqué le premier Kermit, tu sais, Kermit la grenouille, à partir d'un vieux manteau de sa mère. Ouais, pour faire les yeux, il utilisait des balles de ping-pong. Ah. Joli quand même. Joli. Bonne idée. Une personne en moyenne mange 35 tonnes de nourriture dans sa vie. Ça vaut 1500 livres ou encore 680,4 kg par année. En plus du poids de la nourriture, les Américains mangent en moyenne 900 milliards de calories par jour. C'est énorme. C'est énorme. 900 milliards de calories, si on imagine, c'est l'équivalent de 76 726 342,711 points de pizza au fromage. Hein? Et vu que ça prend 3500 calories pour créer une livre, consommer 900 milliards pardon, de calories ferait que vous gagneriez, et là c'est un chiffre interminable, 2571,42857,14, mais ils ont pas mis d'espace entre les chiffres, donc c'est difficile de calculer les millions. Mais quand même, de livres, ou encore 116 638 038 kilogrammes. Wow! 35 tonnes de nourriture dans sa vie, par personne. C'est beaucoup. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà demandé, les figurants dans les films, ce qu'ils disent? Non. Tu sais, tu vois tout le temps à l'arrière, dans une scène au cinéma, dans un restaurant, les gens disent, ils disent « walla walla » en anglais. Walla walla, walla walla, walla walla, walla walla, walla walla, walla walla, walla walla. Ça s'appelle une scène de walla walla, et c'est ce qu'on leur dit de dire quand ils se parlent. Ils ont juste à dire walla walla. Si vous voulez rendre ça plus réaliste, vous avez qu'à dire n'importe quel mot, juste en reproduisant les fluctuations d'une conversation sans avoir à utiliser de vraies phrases. Parce que si vous commencez à utiliser des vraies phrases, ça va être déconcentrant pour les gens qui regardent le film, peut-être. Au Royaume-Uni, on appelle ça rhubarb. Et en allemand, c'est rhubarber. Donc, c'est le mot vraiment qu'ils utilisent. Ils disent rhubarb, rhubarb, rhubarb, rhubarb, rhubarb, rhubarb. Rhubarb, rhubarb, rhubarb, rhubarb. On ne sait pas si en français, c'est le mot rhubarb, par contre. Non. J'aimerais savoir si quelqu'un connaît le mot qu'on utilise pour les figurants en français. J'aimerais beaucoup le savoir. Sais-tu que tu peux sauter par-dessus le drapeau dans Mario Bros, le premier? Oui, j'ai déjà vu ça. Est-ce que tu as déjà essayé? Je sais pas, non. Peut-être, puis ça a jamais réussi. Non, est-ce que tu sais pas donc ce qu'il y a après le drapeau? Ben, tu rentres en arrière du tableau, non? Non, non, non, ça c'est dans Mario Bros 3 qu'il y avait, okay. Pour aller chercher la flûte, fait que tu bailles sur un bloc blanc. Non, dans Mario Bros 1, c'est sans fin, c'est juste un décor sans fin. Dans les tableaux, il y a un château. C'est vraiment le mur du château qui continue à l'infini jusqu'à temps que le temps de ton tableau, tu sais, t'as une horloge, là, jusqu'à temps que ça s'écoule, et là, tu vas mourir. C'est tout. Ah. Juste un mur sans fin. Sais-tu que les ours polaires sont techniquement noirs? OK. Parce que, tu sais, bon, Coca-Cola a changé sa couleur de canette pour faire des canettes blanches en hommage aux ours polaires, etc. Mais non, la peau de l'ours polaire est noire et sa fourrure est blanche, ce qui lui permet d'absorber le plus de chaleur possible du soleil. Les ours polaires doivent absorber de la chaleur, pas de la saveur. Ça, c'est du coke. C'est le coke qui fait dire ça. Parce qu'ils passent leur temps à nager dans les eaux de l'Arctique. Il nage jusqu'à 50 000 au loin de la Terre, dans le fond, d'où il est, de la glace où il est, jusqu'à 50 000 dans l'eau. Les ours polaires, en moyenne, sont les plus gros ours et font en moyenne 8,5 pieds de haut. Pas bien. C'est pas mal. Les biscuits de fortune, tu sais, les fortune cookies chinois, les biscuits chinois. Ouais, avec des messages. Ouais, ça a été inventé aux États-Unis. Est-ce que tu savais ça? Non. Son existence est pratiquement inconnue en Chine. Il y a plusieurs théories. Ouais. C'est poche, hein? C'est assez poche. On dit que ça aurait peut-être commencé à San Francisco ou à Los Angeles dans les années 1910, au milieu des années 1910. D'autres disent que ça vient des années 1800 dans le nord de la Californie parce que les immigrants chinois voulaient célébrer le Festival de la Lune, qui est une journée sacrée. Ils donnaient des gâteaux avec des messages à l'intérieur, mais vu qu'ils n'avaient pas de gâteaux, ils avaient seulement des biscuits. Ils ont improvisé, ils ont créé le Fortune Cookie. Ce qu'on sait par contre, c'est que même si les biscuits chinois sont servis presque exclusivement dans les restaurants chinois, nous en Amérique et en Europe et partout ailleurs, dans les restaurants chinois, les biscuits ne sont presque pas connus en Chine. Là-bas, ils les appellent Genuine American Fortune Cookies, donc biscuits de fortune américains. Totalement. Genuine. Vintage. Il y a un hôpital qui a jeté un bébé vivant. Et c'est très récent, c'est le 26 octobre 2011. Ça finit bien, cette histoire-là, ne déprimez pas maintenant. Le 26 octobre 2011, une femme chinoise, donc on reste chez les Chinois, donc qui était enceinte de 8 mois, a été amenée à l'hôpital après des complications. Elle a dû donc donner naissance d'urgence. Le bébé ne respirait pas, en tout cas, c'est ce que les docteurs ont dit, et sa peau était mauve. L'équipe médicale a diagnostiqué le bébé. Ils ont dit qu'il était mort-né. Donc, comment t'appelles ça? Il y a un terme pour ça? En tout cas, mort-né. Ils ont disposé du bébé sans suivre les procédures légal, normal. 30 minutes après qu'il ait été mis dans un sac jaune pour être jeté, c'est la belle-sœur, je crois, de la mère qui a demandé de voir le corps. Quand elle a ouvert le sac, elle a vu que le bébé, ses mains et ses pieds bougeaient toujours et il y avait des bulles dans sa bouche. Hein? Donc, c'était un garçon, ce qui était une surprise pour la mère parce que les docteurs lui avaient dit que c'était une fille. Parce que, tu sais, en Chine, les filles, hein? Ouais. T'sais, c'est moins bien vu. Ils essayaient de calmer la mère en disant « Ah, c'est juste une fille, fais-toi-en pas. » Tu sais? Triste un peu, ça. Un peu beaucoup, comme pas mal, pas mal. Et puis, on va terminer avec un dernier fait. Tiens, l'émission s'achève. La plus longue vidéo sur YouTube dure 596 heures. Eh, tabarouette. Selon l'uploader, le téléverseur sûrement en français, Moldy Toaster Media, il a envoyé la vidéo la plus longue du monde sur YouTube. Encore plus étonnant, c'est que ça a pris seulement une heure à envoyer sur le site. Hein. Il doit avoir une bonne connexion et les serveurs de YouTube étaient très efficaces ce jour-là. Donc, Moldy Toaster Media a posté une autre longue vidéo. Par exemple, 100 heures du Nyan Cat, là, tu sais, le petit chat, là, pendant 100 heures, au-dessus de 74 heures de lui, en train de compter jusqu'à 100 000. Ouais, il y a vraiment du temps à perdre. Et le son le plus gossant du monde pendant 50 heures. Alors, j'aurais aimé avoir le son le plus gossant du monde pour le faire jouer, mais je l'ai pas. Voilà, donc vous pouvez aller voir l'article sur assemblagerequis.com. C'est la chronique, c'est un fait. Moi, j'aime ça, c'est la chronique. Est-ce qu'on l'a fait de suite, là? Ça va. Bon. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Assemblage requis. On y va avec quelques faits en rafale, le plus rapidement possible. Commençons avec, pourquoi pas, un terme. D'accord? C'est le lawn mullet. Le quoi? Lawn mullet. Lawn comme dans l'entendre? C'est une mullet comme... coupe longueuil de cour. De cour arrière, de gazon. Exactement. Ça veut dire avoir une cour avant très, très bien entretenue et une cour arrière toute sale et avec plein d'affaires de gazon. Ouais. Land mullet, coupe longueuil de cour. Tabarouette, hein? Pas pire, hein, quand même. Arc! En 1728, vous connaissez le philosophe Voltaire? C'était pas un écrivain? C'est un philosophe écrivain. OK, je savais pas qu'il était philosophe aussi. Un écrivain, qu'on l'appelle? Oui. Donc, Voltaire s'est mis riche. En 1728, en étant plus intelligent que la compagnie de la loterie à ce moment-là. Donc, le gouvernement français qui a accidentellement créé un concours où l'argent qui était remis comme grand prix était beaucoup plus gros. Dans le fond, le montant était plus gros que le coût de tous les billets combinés ensemble. T'sais, si on combinait toute la vente de billets, c'était beaucoup plus petit que le prix en argent. Donc, Voltaire et ses amis ont formé un genre de syndicat. Okay? Ils ont acheté tous les billets de loterie qui restaient. Et puis ils ont gagné. Ils se sont séparés l'argent. Ouais, c'est comme l'histoire aussi avec Pepsi. Les points Pepsi, dans le temps, ils faisaient tirer. Tu pouvais acheter avec je sais pas combien de millions. Un avion. Ouais, tu pouvais acheter un avion. J'ai entendu pas. Ouais. C'était comme une joke. Un gros pub, avion ou tu sais, un petit avion. Tu pouvais pas vraiment acheter d'avion, mais dans la publicité, c'est comme la joke. C'est que le gars, il achetait un manteau, une casquette, nanana, puis à la fin, il achetait un avion, puis il allait en voyage avec ses amis. T'sais. Puis là, Pepsi. Et bien, vu que c'était marqué le nombre de points exact, c'est marqué genre un avion, 1 million, tu sais, 130 000. Il y en a-tu qui l'ont vraiment eu? Non, mais c'est parce que ça te revenait moins cher. Parce que tu pouvais, les points Pepsi, tu pouvais en acheter. Mais parce que légalement, t'étais pas obligé d'acheter un produit. Tu sais, les concours, t'étais obligé d'acheter un produit. T'sais. Écrivez-nous et nous enverrons des points gratuits. Pour un certain montant d'argent. C'est ça, mais je pense qu'il fallait que t'aies un minimum de points gagnés, récoltés, en fait, avec les produits. Là. Puis ça venait moins cher. Jamais rien acheté avec ça. Non. Il y a des chansons sur iTunes, des fois. J'avais un colis, là, dans le style un peu armé, là, mais avec une petite deux palettes. Mais avec un signe de Pepsi dessus. Ma cousine a gagné un Super Nintendo avec ça. Cool! Ça doit faire longtemps? Ouais, c'est oui. OK. C'est correct que ça fasse longtemps, là. On aime Super Nintendo. Puis Jasmine est jalouse parce qu'elle a juste une NES avec Mario 3. C'est vraiment cool parce que Dokkan, c'est vraiment hot. C'est la vie. Mario 3, quand il se transforme en bot, là, puis tout. Mais c'est passé souvent dans le jeu. Il y en a comme juste dans un tableau. Ah, c'est tellement le fun. Toi, tu parlais de lui tantôt. Ouais, c'est ça. Dans le film Labyrinthe, vous vous rappelez le film Labyrinthe avec David Bowie? Traumatisé par ce film. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, il n'y a pas moyen de l'écouter en français, c'était mot. Motadine. Donc, il y avait deux autres choix à part David Bowie pour jouer Jareth, le Goblin King, le roi Goblin, genre, en tout cas, bref. Les deux autres choix étaient Sting et Michael Jackson pour jouer Jared. J'aurais été encore plus traumatisé. Imagine. C'est avec des enfants, ce film-là, en tout cas. Oui, c'est ça, c'est un film... Moi, c'est pas Jackson. Mon tour référé, tu sais. Qui? Michael Jackson. Non? Comme il en parlait tantôt, non plus, c'est comme je l'entends, ça va, mais je... Ça dérange pas, mais c'est pas... Je vais pas en mettre par moi-même, mais pas pendant tout. C'est ça. Non. Bon. Les biscuits aux brisures de chocolat. En forme de moustache? Oui. Peut-être. Ont été fabriqués par erreur, inventés par erreur. Essayez de plugger quelque chose. C'est que les biscuits, le chocolat pas fondu. Hein? Mais c'est tellement... Hein? Quelle belle erreur. Je sais. Je les remercie. Ben oui. Hein? Myriam? Un peu, là, on dirait que j'ai pas. Les brisures de chocolat, là, c'est parce qu'ils voulaient mettre du chocolat puis ils voulaient que ça fonde dedans, que ça fasse un biscuit au chocolat, tu sais. Hey, j'ai-tu deux secondes pour faire de la pub parlant de biscuits? Ok, demain midi pendant le rasoton à la chaise galerie. Demain étant jeudi pour demain, ceux oui, qui c'est sont ça. En direct. Jeudi 1er décembre, journée internationale du pull de moustache et du calendrier de l'Avent. Ariane Cossette et moi allons vendre des biscuits en forme de moustache. Hey, c'est pas génial, c'est ça? C'est cool, hein? Aïe, quelle bonne idée de te plugger à ce moment-là. C'est au coût de 2 $. Il y aura deux saveurs. Hein, lesquelles? Soit pain d'épices et brisure de chocolat. Hein, oui, pain brisure de chocolat. Oui, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Ah, et tous les profits vont être remis au Movember, dans le fond. J'espère bien. C'est cool, hein? C'est super cool. C'est demain, jeudi. Oh, demain, jeudi, à partir de l'heure du midi, vous venez me voir en quelque part, en quelque part dans la chaise galerie. Ça t'a combien les biscuits? Ça va être 2 $. Chaque? Chaque. 2 piastres. T'as-tu un deal, genre, t'en achètes on va décider ça demain matin, j'imagine. Pour 10 piastres. Ah, ce serait cool. Peut-être m'en parler avec Ariane. On va en acheter de ma co-animatrice et palmarès, c'est fou. En l'occurrence, moi. Hein? Hey, il fallait pas dire, c'est une surprise. Oh non. Bon. J'ai rien entendu. C'est pas grave. Salvador Dali. Vous connaissez Salvador Dali? La moustache. En drôle, là. Ça tombe bien. Il y avait un plus vieux frère plus vieux que lui. Devinez comment il s'appelait. Un indice. J'aime ça, les devinettes. Un indice? Oui. Bis. Vis ou biscuit? Biscuit. Non. Biscotti. C'est juste Salvador. Bis, comme dans Répéter, ça. Bis. Dans une chanson, ça marque Bis. Les deux s'appelaient Salvador. Hein? Parce que, et là, ça devient un petit peu triste pour deux secondes, donc. Parce que son frère, il est mort. J'aimerais ça que les gens puissent voir l'émotion dans nos yeux. Donc, Salvador, le premier, est mort très jeune et son plus jeune frère a aussi eu le même nom comme en hommage. C'est comme Boule de neige, c'est ça. Boule de neige? C'est le moment où. Boule de neige, j'ai déjà organisé un kidnapping, OK, mais avec des toutous. Waouh, chaque fête inspire une histoire. Vas-y. Il y avait en fait, c'est mon ancienne collègue, elle avait un toutou qu'elle appelait Boule de neige. Oui. Puis pour le kidnapping, c'est lui qui kidnappait, puis je l'avais appelé Boule de démon. Boule de démon. OK. On se dépêche, il y a une mission après nous. Alors, en Philippines, c'est la plus longue période de Noël dans le monde. Les Philippineux. Bon. Mettons, elles sont connues parce qu'ils commencent les célébrations de Noël beaucoup plus tôt que tout le monde, en septembre. Oh. Et ça se termine au début du mois de janvier. Les écoles et les édifices là, où les gens travaillent, dans le fond, font des fêtes de Noël où ils chantent, ils dansent, ils font des sketchs, ils jouent à des jeux. Ils ont des traditions abondantes avec des festivités pendant toute la saison des fêtes pour marquer, dans le fond, le jour de Noël et l'importance du jour de Noël pour eux. En Philippines, il y a seulement deux pays asiatiques qui sont majoritairement catholiques et qui célèbrent Noël, et donc les Philippines en fait partie. Le premier film de porno connu est A Free Ride en 1915. Tu sais, tu passes de Noël à la porno comme si c'était... Ça coule, là. A Free Ride en piano. Oui. Merci de ne pas avoir fait de référence ou de mauvaise blague quand j'ai dit « ça coule » d'un sujet à l'autre et de la porno. On l'appelle aussi « A Grass Sandwich ». C'est un film réalisé par un homme nommé A Wise Guy et écrit par Will Shee. D'autres faits sur la pornographie. 35% de tous les téléchargements sur Internet est relié à la porno. À chaque seconde, 28 258 utilisateurs sur Internet regardent la porno. L'âge moyen de la première fois qu'un enfant voit de la porno est 11 ans. Et à chaque jour, 11 ans. Et à chaque jour, 266 nouveaux sites de porno sont créés. 266? À quelle fréquence, tu dis? À chaque jour, ouais. Aïe. OK, un autre fait. C'est hot! Tu peux toujours voir ton nez, toujours en tout temps, mais ton cerveau l'ignore. Ça, je pense que c'était peut-être pas super compliqué à comprendre. Mais c'est vrai? Ouais. Tu le vois tout le temps, ton nez. Il est tout le temps là, mais ton cerveau, ouais. Il voit pas. Non, le tien, on le voit de loin. C'est plus gros, là. Je m'en allais dire, justement, que le mien, c'était... T'sais, je le vois tout le temps, là. T'as un joli nez. Ah, tout le monde le voit tout le temps, ton nez. Tu le tien aussi. Mais il est plaisant à regarder, donc c'est correct. Oh, ah. Merci, mon coéquipier. On dirait que j'essaye de regarder ailleurs. On louche un peu, on a l'air. OK. Yeah, quand je regarde par là, je le vois. C'est super. D'autres faits sur les nez. Il y a 14 différents types de grosseur de nez. De grandeur, de forme de nez. 14 différents types. La façon que tu éternues, c'est génétique. Ouais. Et c'est donné de génération en génération. Tu sais, comme, mettons, Marie-Pierre au palmarès, elle éternue comme un chat. Ça, ça arrive. Comme un chat éternue comme un chat. C'est un petit... C'est vraiment cute. Oh. C'est génétique. Ça demande de faire la même chose. Ton nez peut détecter au-dessus de 10 000 différentes senteurs. Et c'est impossible de chantonner une chanson avec ta bouche pendant que ton nez est bouché. Là, oui, t'es capable. Non, mais c'est pas en continu. C'est pas. Ça bloque, tu sais. Ça bloque. C'est pas confortable. C'est pas une aussi bonne chanson, c'est vrai. Capable. C'est pas confortable. OK, on doit choisir quelques derniers. OK, nouvelle déprimante. Il y a un tueur en série âgé de 8 ans en Inde. Oh, mon Dieu. C'est vrai. Amarjit Sada, qui est accusé d'avoir tué 3 enfants, dont sa propre sœur, sa jeune sœur, et son cousin ou cousine. C'est terrible. Dans Halloween. Ben oui. Sada a été. Oui. Sada s'est fait attraper, s'est fait prendre la main dans le sac. en train de commettre un autre meurtre. La police de Bihar en Inde dit que le garçon amenait ses victimes dans un champ et les battait avec une pierre. Ça, c'était... Ben oui, terrible, mais hein? C'est là qu'il a essayé de cacher les corps, mais n'a pas réussi. La police essaie de comprendre pourquoi, c'est quoi ses motifs à ce jeune garçon-là. Moi, je pense que c'est dans les gènes, ça aussi, peut-être. Peut-être que ça quelque chose qui... Il y en a de moi, je pense pas que ça soit dans les gènes. Non, mais dans le sens qu'il y a... C'est plus au niveau de l'éducation et... Peut-être, c'est ça, peut-être. Mais il y a tout à fait... c'est comme le gambling, je sais pas pourquoi on repart ça. C'est-tu inné ou c'est-tu quelque chose que t'as... Je pense qu'il y a une part que oui, tu peux avoir des prédispositions, d'après moi, peut-être, mais pas... Ben c'est ça, donc c'est... Non, mais tu. Il y en a qui se déclenchent pas, mais il y en a qui se déclenchent aussi. Non? Ouais. Mais ça dépend d'un paquet de facteurs. Là. Ils peuvent. On comprend. C'est dur à dire. Parce que peut-être que ses parents tombent sans connaissance de savoir que leur enfant est tué. J'imagine, mais c'est ça. Ça veut pas dire que les autres ils ont montré à faire ça. Ben, c'est ce peut-être que je qu'ils dis. Ont pas donné peut-être un. Peut-être qu'il n'y en a pas de parents non plus. Voilà. C'est ce que je pense. Moi, c'est pas nécessairement l'éducation. Moi, en tout cas, j'ai vraiment des gros doutes que sur l'éducation. Je me dis, les parents vont pas nécessairement encourager leur enfant à tuer. Ben voilà. Non, mais tu sais, s'il y en a pas. Non, mais des fois, en nous mettant peut-être de faire des chicaner sur certaines affaires. Non, mais tu sais, pas bien. Vous comprenez ce que je veux dire, là, je pense. Non. Faut se faire un dernier fait pour se quitter, les enfants. Environ 10 milliards de dollars en monnaie est retrouvé dans toutes les maisons américaines en moyenne. De l'argent dans les divans, dans les tiroirs, etc. Donc, chaque maison aux États-Unis a en moyenne 90 $ de monnaie autour comme ça de la maison. Oh! Qu'à cela ne tienne, je pars à la recherche. C'est ça, moi aussi ce soir, les craques de divan. Hein? D'autres faits sur l'argent. À la fin des années 1800, des pièces de monnaie de 2 et de 3 cents ont été pressées. C'est vrai. 84% des femmes et 74% des hommes choisissent de ramasser la monnaie qui voit par terre dans la rue. Tu sais, François, au minimum, c'est un 5 cents. Ouais. Le minimum de tout le monde, Jasmine, minimum pour te pencher? 25. 25 cents, Myriam? Ben moi, je me penche pas pour une scène. J'irais peut-être avec le 5 cents. OK, moi, je commence à 25 cents. Donc, vraiment, on a vraiment les bonnes équipes. 5 cents, ces deux-là, puis 25 cents. On est parfait. Moi, les 5 sous, j'aime vraiment pas ça. J'aime vraiment mieux les sous noirs que les 5 sous. Les 5 sous, j'ai... Non, ça marche pas. Le castor te trouble. OK, et on termine avec 197 millions de 5 cents. Si on les empilait une par-dessus l'autre, on s'en rendrait jusqu'à la Lune. 50 millions? 197 millions. 197. Ouais, c'est ça. Eh ben, tu parles d'un enfer. Voilà. Partons en voyage. C'est beau, on va pouvoir... Hey, ça va bien plus vite que des 1000 air miles, cette affaire-là. Quand même. Ça va bien. Yeah.